Laissons le lit et le sommeil cette journée. Pour nous l'aurore au front vermeil est déjà née. Or que le ciel est le plus gai. En ce gracieux mois de mai. Et mon mignonne, contentons notre ardent désir en ce monde de plaisir qui ne s'en donne. Viens, belle, viens te promener dans ce bocage. Entends les oiseaux jargonner dans leur ramage. Mais écoute comme surtout le rossignol est le plus doux. Sans qu'il se lasse, oublions tout de tout en lui pour nous réjouir comme lui. Le temps se passe. Ce vieillard contraire aux amants des ailes porte, et en fuyant nos meilleurs en bien loin emporte. Quand idée un jour tu seras mélancolique, tu diras j'étais plus sage qui n'usait point de la beauté, que sitôt le temps a ôté de mon visage. Laissons ce regret et ce pleur à la vieillesse. Jeune, il faut cueillir la fleur de la jeunesse. Or que le ciel est le plus gai. Et mon mignonne, contentons notre ardent désir en ce monde plein de plaisir qui ne s'endort.